orchidée du matin, j'ai une pensée pour toi, une pensée de satin, de velours et de soie. Tu es sortie de mes rêves, tu t'es posée sur mes mains, amorçant ainsi la trêve de mes nuits sans lendemain. Orchidée du matin, je ne vois plus que toi, tes sourires de satin et tes larmes de soie. Souviens-toi d'où tu viens, petit morceau de moi. Regarde bien où tu vas, moi je reste derrière toi. Orchidée, sur son arche de Noé, orchidée, vogue vers sa destinée. Orchidée, sur son arche de Noé, orchidée, vogue vers sa destinée. Au bout de mon chemin, je resterai avec toi. Tu rencontreras machin, truc muché, celui-là. Celui-là, il sera bien, enfin il te conviendra. Il faudra qu'il prenne soin de ce petit morceau de moi. Tu te trouveras une voie, un sentier, un chemin. Tu te trouveras un moi, une envie de destin. Tu rencontreras la vie, ses galères et ses ennuis, et tu trouveras aussi un peu de bonheur ici. Orchidée, sur son arche de Noé, orchidée, vogue vers sa destinée. Orchidée, sur son arche de Noé, orchidée, vogue vers sa destinée. Orchidée, vogue vers sa destinée.